sait pas, on sait plus. Je sais pas. Il était pas là, lui? Attends. Je te raconte quoi, de toute façon? Papa, je traîne, seul, je perds. Rien ne va plus, j'ai le croupier dans le viseur. Est-ce que je récupère? C'est 15 à R. Je suis pas trop streamé dans le bloc pendant 10 heures. Et où sont mes potes? Le bon temps me manque. Je vais péter un plomb, j'ai la street sur l'épaule et ma petite sur les côtes. Je suis fidèle, mais bon, je peux pas quitter mes tours. Quitter mes tours. L'odeur du cash dans la tour, le diable m'a laissé le 22. Je suis perdu, papa, je t'avoue, j'ai rien vu, il m'a passé la fin de. Y'a rien à boire, à boire, des chiens qui restent ma boîte. Qu'ils viennent par là, Y, qu'elle va faire un carnage. Moi, tout ce que je veux, c'est m'en sortir. Baba, eux, ils veulent pas. Ils pourront jamais me détruire. Bonhomme comme Baba. Moi, je n'ai pas de grand dans la street. Je n'ai que toi, Baba. Dergaz, l'Ali, je suis Kabil. Ababa, Inouba. Et je tourne dans ma ville. J'en fais tourner comme mon pilon. Je suis dans tous les coups, je suis là tous les jours. Et à tous les coups, c'est moi qui ai bouge. J'ai tourné dans ma ville. J'en fais tourner comme mon pilon. Et j'ai tourné dans ma ville. La misère et les keufs ne me rendent pas. Toi la tête qui me bat pas. Et d'où je viens je n'oublierai pas. Tous les sommes que j'avais au départ. Je vais mourir pour mes principes. Je suis un vilcain. La street je la connais bien. Je suis un sans faim. Ce que j'ai enduré je ne dirai pas. Je suis un grand garçon maintenant papa je pleure pas. Je vais pleurer mes ennemis et juste les poudins. Et sur la flèche Rivera. Je fais la fraîche comme tout un radin. Moi tout ce que je veux c'est m'en sortir. Baba eux ils veulent pas. Ils pourront jamais me détruire. Bonhomme comme Baba. Moi je n'ai pas de grand dans la street. Je n'ai que toi Baba. Dergaz l'Ali je suis Kabil. Da da da Inouba. Et je tourne dans ma ville. J'en fais tourner comme mon pilon. Je suis dans tous les coups, je suis là tous les jours. Et à tous les coups c'est moi qui ai plongé.